On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence soccer au 5-5-1. Salut Benoît! Salut Danny! Benoît, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles. On ne s'est pas parlé, c'est un méchant bout. Là. J'ai pris comme une pause aussi. Mais on va se parler d'abord. On commence par quoi? On va commencer par le Canada. Le Canada qui est vraiment une bonne position maintenant pour se classer pour la Coupe du monde de soccer. On prend les trois premiers. Et par la suite, il y a le quatrième qui peut être éligible, mais lui, il s'en va en barrage. Donc, oui. Donc le Canada qui est vraiment bien placé. Là. C'est j'ai vraiment... Le Canada est bien placé, mais il ne faut pas partir en peur, Danny. On a trois matchs de jouer. Il y a huit équipes, il y a huit nations, huit sélections. On a donc 14 matchs à jouer, un match aller-retour contre chaque nation. Là, on a bien débuté avec une victoire 2-0. Le match d'hier m'a surpris, belle victoire, avec l'absence d'Alphonso Davies. On voit que Jonathan David est un excellent joueur aussi. Buchanan, Danny, c'est le joueur par excellence des jeunes au niveau de la Gold Cup, alors que le Canada avait perdu 2-1 contre le Mexique. On va se rappeler de ce match-là. Donc, très intéressant de voir ça. Moi, je pense que le Canada peut, oui, pour une deuxième fois dans l'histoire, prétendre à participer à une deuxième Coupe du monde. Là. La dernière, la seule fois qu'on a participé, c'est en 1986. Donc oui, belle performance, là, mais il y a trois autres matchs qui s'en viennent au mois d'octobre. Ben, trois autres matchs, mais c'est parce que là, hier, la défaite des États-Unis contre la victoire des États-Unis contre la Honduras a donné une bonne chance. Là. Oui, mais Danny... Écoute, là, on a trois matchs. Ouais. Tu vois le classement. J'ai vu que tu avais partagé le classement aujourd'hui. C'est très serré déjà. Un match à l'autre, on peut basculer en 5-6e place. On peut remonter en gagnant. Donc, chaque match va être très important. Faut pas en échapper. Les grosses sélections, c'est USA et Mexique. Donc, on a annulé contre États-Unis. On est capable d'aller chercher un résultat contre le Mexique. Ça sera d'ailleurs notre prochain match, je crois, au mois d'octobre. Oui, on est en bonne position, mais faut pas s'énerver avec ça. Alphonso Davies, j'espère qu'il sera là. Je pense qu'il était justement en entraînement aujourd'hui avec le Bayern de Munich. Je sais pas s'il sera dans le 11 partant en fin de semaine, parce qu'il est retourné en Allemagne. Maintenant, à voir la suite. Saluer. On a eu un 15 minutes pour Samuel Piette hier en fin de match. Sinon, c'est les seules minutes qu'il a joué dans les trois matchs. Moi, je me posais la question, Danny, sur Maxime Crépeau, parce que Crépeau avait très bien fait lors de la Gold Cup. Borjan, le gardien qui joue dans le championnat en Serbie, je pensais que Crépeau aurait pu prendre sa place de numéro un, mais John Hernan a décidé d'y aller avec Borjan comme gardien numéro un. Crépeau, donc, sera s'il y a des blessés, il va arriver. Il faut se rappeler que Pantémis est aussi le troisième gardien. Donc, ce sont nos trois Québécois là, qui sont là avec l'équipe canadienne. Là. OK. Donc, ça a aidé beaucoup. On va parler maintenant de quoi? On va parler ailleurs, la France qui a de la misère, hein? Parce qu'il faut dire que les qualifications, il n'y a pas avec le Canada. Là. La France a de la misère, c'est ce que je me trompe? Danny, ils ont gagné contre la Finlande, on marque bien, là. Danny, qualification partout sur la planète, OK? On a pris un break partout dans les championnats, partout sur la planète. À part notre belle Ligue MLS qui, elle, a fait des matchs quand même. L'équipe, l'Impact, le CF Montréal, avait fait une pause aussi, pause internationale. Je comprends pas pourquoi la MLS ne fait pas ces pauses-là, ne break pas son championnat comme partout on fait sur la planète. La MLS veut faire comme l'Amérique du Nord dans les autres sports nord-américains. Elle continue ses matchs, peut-être parce que les équipes qui sont là n'ont pas de joueurs nécessairement internationaux. Mais oui, la France, pour te revenir avec ta question, la France avait fait deux matchs nuls. Et là, le dernier match, on a enfin vu la France, c'était un match important, se lever contre les Finlandais. On a vu Griezmann et Benzema, un duo, j'ai regardé le match, ils ont très bien fait ensemble. C'est ça le plan de Deschamps, là. Griezmann et Benzema, Mbappé était blessé. Normalement, avec ce trio-là, on est supposé d'avoir un des meilleurs trios sur la planète en sélection, Mbappé, Griezmann et Benzema. Mais tu sais, on a rappelé Benzema assez tard pour l'Euro. Si on l'avait rappelé un peu avant dans les matchs amicaux et puis tout ça, peut-être que la chimie serait déjà créée entre ces trois joueurs-là. Et là, on est en train de la voir se créer. Là. On a vu là, contre la Finlande le match Finlande, Benzema et Griezmann se sont fait des jeux là, incroyables, une touche de balle. Mais c'est intéressant de voir les qualifications. Et dans un autre continent, David, j'aimerais t'apporter, ouais. C'est un peu teasé qu'on a vu en Amérique du Sud. Ce soir, il y a des matchs, justement, l'Argentine joue contre la Bolivie, le Brésil, donc toutes les sélections. Mais on devait avoir un match, le remake de la Copa América entre le Brésil et l'Argentine. Et imagine-toi donc, David, les Argentins étaient au Brésil depuis 3 ou 4 jours et soudainement, le match a débuté. On a joué 4, 5, 10 minutes, je crois. Et soudainement, oui, j'ai vu ça passer, oui. Les autorités sanitaires ont débarqué sur le terrain. Ils ont arrêté le match. Messi, Neymar, tous les joueurs sont allés voir les responsables là, de la santé pour dire ben oui, mais ça fait 3 jours qu'on est au Brésil, l'Argentine. Pourquoi vous n'avez pas arrêté ça avant? Il semblerait d'aller qu'il y aurait 4 joueurs de la sélection argentine qui arrivaient de l'Angleterre, qui est une zone rouge. Tu sais, Dani, on en parle du COVID, t'en parles souvent, tu critiques beaucoup. Tu vois la risée de ça encore. On a breaké le match, le remake de la finale de la Copa América de cet été. Le match était au Brésil et on sait que ces deux sélections-là sont première et deuxième là, pour les qualifications du Qatar 2022. Ah non, c'est ridicule. Ça fait partie de ridicule, regarde, c'est ça, c'est que tu veux que je te dise. J'ai vu passer ça aujourd'hui aussi, Dani, qu'au Qatar, normalement, la Coupe du monde des clubs qui devrait avoir lieu en décembre au Japon, le Japon a annulé à cause justement du COVID et des choses sanitaires. Donc là, la FIFA demande quelle nation, quel continent, quel pays qui pourrait recevoir la Coupe du monde des clubs. Habituellement, elle se fait souvent en Asie. Ça serait intéressant que les États-Unis se lèvent et fassent ça dans une place où il fait chaud en décembre et qu'on reçoive la Coupe du monde des clubs en décembre. Ça serait intéressant. C'est pas une coupe qui est très, très longue. Je sais pas pourquoi que les Américains ne se lèvent pas à ce niveau. Miami ou encore, ça pourrait être en Floride ou ça pourrait être... quoi, ça c'est pourrait... Une de... hein? C'est une affaire de 7-8 matchs, Joël. C'est 7-8 ouais. matchs, cette coupe-là. C'est le Canada avec de la chaleur un peu, mais le Canada, tu vois, avec la ville de Montréal, gang de jambon, qui ont laissé aller les matchs de la Coupe du Monde. Et regarde aller l'équipe canadienne, là. Il faut saluer Dani, la RDS, qui s'est réveillée enfin. Qui a acheté les droits pour l'équipe nationale canadienne. Enfin, ça va montrer à nos jeunes joueurs de soccer un peu partout au Québec, au Québec, l'équipe nationale canadienne. Ça va faire connaître cette équipe-là. C'est le temps que le monde se réveille. Ben c'est clair. Puis avec les matchs qui sont présentés, puis l'année prochaine, ça va parler beaucoup de soccer. Là, parce que le Canada a vraiment, vraiment des grosses, grosses chances, comme tu dis. Là. Si le Canada participe à la Coupe du monde de soccer, j'ai l'impression que ça va donner un ben, Ça va lever, puis ça va faire que les petits morning men de radio, puis les sportifs ici et là et au Québec qui veulent pas parler de soccer, à un moment donné, ils n'auront pas le choix de s'enlever le droit d'emmener puis d'en parler. OK. Donc t'es en feu aujourd'hui, mon Benoît. Fait qu'on va parler maintenant de Ronaldo et de Messi. Messi qui a joué l'autre fois avec le PSG. Comment ça a été? Ben, ça a bien été. Il est embarqué à la deuxième mi-temps, à 60 ouais. minutes, je crois. Ce qui est intéressant dans ce portrait-là, écoute, il y a une chimie à construire. Écoute, Messi, ça va être intéressant de le voir avec Mbappé et Neymar. Mais Neymar était à son premier match aussi, donc Messi a remplacé Neymar. Donc là, on avait la pause internationale. Ça va être intéressant de les voir revenir en championnat là, dès ce week-end. Je pense que ça va être intéressant. Puis c'est la même chose pour Ronaldo avec le Manchester United. Donc, les deux gros noms de la planète depuis 10-15 ans se retrouvent avec de beaux projets. Ça va être le fun à suivre là, au niveau des clubs cet hiver en Ligue des champions. Le PSG est allé chercher pour la Ligue des champions, on le sait. J'ai hâte de voir la chimie entre ces trois-là, Neymar et Mbappé. Le PSG a une belle équipe avec Sergio Ramos aussi, le défenseur, l'ancien, le capitaine de la sélection espagnole, le capitaine du Real Madrid. Donc, ça va être le fun à voir, là, cette sélection-là. Donnarumma, le gardien italien aussi, qui va embarquer avec le PSG. Donc, très intéressant. Le fait à mentionner, Dani, c'est que le club, le PSG jouait à Reims et il y a eu une ovation debout. J'ai vu Thierry Henry qui commentait le match, a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Il avait vu ça avec Andrés Iniesta, avec l'Espagne. Mais Iniesta, c'était en Espagne, c'était d'autres choses. Mais je te dirais que Messi a eu une ovation debout. Et l'autre chose qui était intéressante, Dani, c'est que très intéressant, c'est que il y a le gardien de Reims lors de ce match-là, Dani, qui est allé avec son garçon prendre une photo. Il a donné son garçon à Messi. Le gardien de l'autre équipe qui prend une photo avec Messi, c'est quand même assez incroyable. OK. On va y aller maintenant avec du côté de l'Impact. Ben, le CF Montréal, hier, ça a fait jaser beaucoup. Il y a beaucoup de réactions. D'ailleurs, on devrait avoir le Ultra avec nous dans les prochains jours. Alexis Gagnon-Goulin. Écoute, c'est pas d'hier que les relations sont houleuses entre l'Impact et le CF Montréal et également les Ultras. Mais hier, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Finalement, l'Impact qui décide, ou le CF de Montréal qui décide de fermer la section de la section. Comment tu trouves ça? Moi, je trouve ça affreux, encore une fois. Ça va Oui, avec l'Impact. C'est CF Montréal. encore un mot. Moi, j'ai des chums qui m'ont appelé me dire, regarde, moi, là, le CF, l'Impact, moi, je suis plus capable, je suis plus sûr, j'ai lâché les joueurs. C'est de la chenoute, c'est décevant. Écoute, Danny, là, je sais pas ce que M. Guillemot a. On a vu peut-être que les banderoles, il n'a pas aimé ça, parce que la banderole, on l'a vu dans les matchs au Stade Saputo, qui était faite par les Ultras. C'était Guillemot, entre guillemets, décalisse. Écoute, c'était ça, c'était Ben, clair. ça doit être Le ça, hein? message est clair. Il y a eu des problèmes. Faut le dire, Danny, il y a eu des problèmes avec des fans de Toronto. Il n'y a pas juste ça. C'est qu'à un moment donné, Danny, tous les Ultras ont donné le mécontentement pour annoncer qu'ils n'aimaient pas le rebranding. Ils veulent pas ce changement-là. Ils ne voulaient pas. Donc, quand tu vois, là, tous les Ultras ont le maillot de l'Impact encore tatoué sur le cœur et ils portent le gilet de l'Impact. Et il est arrivé des fans avec le maillot du CF Montréal. Ils sont allés narguer les joueurs ou les fans des Ultras qui sont en feu pendant les matchs. Donc, c'est sûr que ça a créé de la bisbille. En voulant dire, va jouer ailleurs avec ton maillot du CF. Nous, on demeure Impact. On est là au match, mais on demeure Impact de Montréal. Alors, c'est ça l'histoire un peu à travers ça. Puis, je te dirais, Danny, il faut pas aller loin, là. Faut fouiller sur le web pour voir comment ça marche, le foot international, le foot de club. Des fans, des ultras, il y en a partout. En Argentine, il y a des grillages pour empêcher les gens d'aller dans certaines zones. Au Mexique, c'est comme ça aussi. En Italie, c'est comme ça. Mais qui se réveille, c'est quoi? Qu'on a qu'à s'occuper des gens qui ont fait de la merde, on va dire entre guillemets, et qu'on s'occupe de les bannir du stade, mais pas une section au complet. Ça n'a Non. pas de bon sens. C'est ni queue ni tête, cette histoire-là, encore, Danny. Ah, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense bien que c'est. Puis t'as le groupe aussi là, qui organisait des voyages à l'étranger. Ben là, les voyages, c'est difficile cette année, là. Mais c'est ça aussi, là. Les autres aussi sont pas contents non plus, là. Non, c'est décevant de voir ça. Puis quand tu vois un match au Stade Saputo, Danny, je sais pas si tu as déjà vécu un match-là. Moi, je suis allé plusieurs fois. Tu sais, j'avais des accès à la galerie de la presse. Je suis pas allé cette année. Normalement, je devrais avoir des accès là encore. Mais Colin, la place, l'endroit, parce que c'est plus fun à y aller. Quand je suis allé avec mes players au niveau secondaire, on était dans la zone, on demandait d'avoir des billets de la zone des Ultras, mais c'est la place parce que c'est le plus intéressant à être. Ça chante tout le match et il y a de l'ambiance. C'est intéressant d'être là. Et là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. J'espère que tu vas parler à Alexis. J'ai justement fait un podcast, ça parle photo lac, lors du rebranding, et les gars étaient très déçus. Là, je pourrais peut-être refaire de quoi de mon côté aussi, mais c'est décevant, Danny. J'ai hâte de voir la suite, mais ça va pas bien. Je finirai en disant, ça pue trop. Ça pue trop, oui, mais hein, que ça. Écoute, moi, j'ai même pas. Je suis complètement décroché de l'Impact. Complètement décroché, moi, cette année, là. J'ai même pas vu un match, j'ai même pas un joueur. Écoute, j'aime le soccer, mais j'aime pas l'Impact. Fait que c'est pour ça que. C'est ça l'histoire. On appelle déjà, Danny, tu le dis toi-même, t'aimes le soccer, t'aimes pas l'impact, c'est même plus l'impact. Non. C'est ça qui est décevant dans toute l'histoire. Ouais, effectivement. Benoît, on s'en reparle bientôt. Oui, Danny, puis pour terminer, Danny, soccer régional, Oui. Saguenay-Lac-Saint-Jean, il va y avoir un gala pour récompenser les jeunes. Il y a encore des équipes qui jouent dans la Ligue Québec Métro. Je veux souligner une équipe de seniors D2 de Chicoutimi, de Venturi, qui n'ont aucune défaite. C'est une ligue quand même provinciale, 2A. Donc, 10 victoires, aucune défaite. Il y a une petite équipe d'Alma aussi, en U15 masculin, qui sont en deuxième position. Donc, j'aime saluer ces équipes-là et d'autres équipes qui participent. Mais c'est surtout des équipes du Boréal d'Alma et du Venturi qui jouent dans cette ligue-là. Et les ligues régionales sont tous terminées. On fera peut-être un portrait de la saison quand tu voudras. Donc, oui, Danny, à bientôt. Puis l'année prochaine, Danny, on devait faire ça cette année, mais à cause du COVID, la région de l'ARS du Saguenay-Lac-Saint-Jean va présenter la Coupe Saputo, anciennement la Coupe Saputo, la Coupe 2A provinciale, donc sur les terrains à Alma. Donc, ça va se passer là. OK, ouais. Si COVID va être là encore l'année prochaine. Salut, mon Danny! OK, c'est beau. Notre ami Benoît Lavoie de sportsoccer.com, la référence soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean.